Un tour de valse de Ludovic à Lévy. Ma tante, ma chère tante, ne croyez pas un mot de ce qu'il va vous dire. Il se prépare à mentir effrontément. Si je ne l'avais pas interrompu dès le début de son discours, il allait vous raconter qu'il était résolu à m'épouser, depuis sa plus tendre et depuis ma plus tendre enfance. « Mais oui !» s'écria Gontran. « Mais non !» répliqua Marceline. « Il allait vous raconter qu'il était un bon petit cousin, ayant toujours aimé sa petite cousine, et que notre mariage a été un délicieux roman de tendresse et d'innocence. « mais oui !» répéta Gontran. « mais non !» La vérité, tante Louise, la vraie vérité, en deux mots, la voici. Jamais, jamais, il ne m'aurait épousé si, le 17 mai 1890, au club, entre 9 et 11 heures, il n'avait pas perdu 34 000 points au Bézig, et si toutes les loges n'avaient pas été louées ce même soir au théâtre des Bouffes parisiens. Et comme Gontran se mettait à rire, « Oh, tu peux rire tant qu'il te plaira !»« Tu sais bien que sans cela, à quoi tient la destinée ?» Je serai aujourd'hui mariée et duchesse, c'est vrai, mais duchesse de Courtalin, et non duchesse de Lannilis. Mon Dieu, cela vaudra peut-être mieux. En tout cas, je veux raconter à tante Louise l'histoire authentique de notre mariage. Raconte, si cela t'amuse, dit Gontran. Oui, monsieur, cela m'amuse. Vous allez tout savoir, tante Louise, tout, absolument tout. Soyez, je vous en prie, juge de notre querelle. Cela se passait 8 jours après que Marceline de Morlange, à la Madeleine, devant l'hôtel, disparaissant sous une montagne de roses, avait répondu « Oui », juste avec ce qu'il fallait de trouble et d'émotion, ni trop ni trop peu, la mesure bien exacte, quand on lui avait demandé si elle consentait à prendre pour époux son cousin Jean-Léopold Mathurin Robert Gontran, duc de Lannilis. Ce mariage avait été le grand mariage de la saison. On s'était littéralement écrasé sur les marches et contre les grilles de l'église pour voir la mariée descendre ce redoutable escalier de la Madeleine. C'est là une très solennelle épreuve. Le tout n'est pas d'être belle, encore faut-il savoir être belle. Il y a un art d'être jolie et qui demande certaines préparations, certaines études. Dans le monde, comme au théâtre, on réussit rarement du premier coup. Madame de Lannilis eut la bonne fortune de débuter avec un succès décisif. Elle fut tout aussitôt, très naturellement et très hardiment, à son aise dans sa beauté. Elle n'eut, pour triompher, qu'à se montrer. Le prince de Nérin n'eut pas à cet égard une minute d'hésitation. C'est lui, comme chacun sait, qui, avec l'assentiment universel, s'est institué le dispensateur des brevets de grande élégance parisienne. Or, pendant que la nouvelle duchesse, sous le feu de 1000 regards, derrière les hallebardes sonnantes, faisait, avec une tranquille assurance, ses premiers pas de jeune homme, Nérin, émerveillé, s'abandonnait, sous la colonnade de la Madeleine, à de véritables transports d'enthousiasme. Il allait de groupe en groupe, répétant « Elle est aérienne, il n'y a pas d'autre expression, aérienne. Elle ne marche pas, elle plane. Elle pourrait, si la fantaisie lui en venait, d'un petit coup de talon, s'élever légèrement dans les airs, par-dessus la tête de ces deux grands gaillards à pertuisane, traverser toute la place de la Concorde et aller se percher là-bas sur le fronton de la Chambre des députés. Regardez-la bien. Voilà la vraie beauté, la beauté radieuse, la beauté flamboyante. C'est une déesse, une jeune déesse. Elle ira loin, messieurs, aussi loin que possible. » La jeune déesse, pour le moment, ne s'en alla pas plus loin que Lannilis, en plein Poitou, chez son mari, chez elle, dans un château qui avait déjà vu bien des duchesses de Lannilis, mais jamais de plus charmante, et jamais, il faut bien le dire, jamais de plus résolument amoureuse. Cette petite duchesse de 19 ans était folle de ce petit duc de 25 ans qui l'emportait, pour lui seul, jalousement, en pleine retraite, en plein silence, en pleine solitude. Ils étaient arrivés le jeudi 24 juin, vers 2 heures du matin, par une nuit exquise, sous un ciel criblé d'étoiles. Et ils furent, tout d'un coup, stupéfaits de recevoir de leur tante Louise un petit billet daté du 1er juillet. « 8 jours de tête-à-tête acharnée, leur disait-elle, c'est bien, mais c'est assez. Croyez-en l'expérience d'une pauvre vieille provinciale, qui serait charmée d'embrasser son petit-neveu et sa petite-nièce. Ne mangez pas tout votre amour en herbe, gardez-en un peu pour plus tard. » Jeudi, 1er juillet. 8 jours, ils étaient à Lannilis depuis 8 jours. C'était impossible. ils tâchèrent de mettre un peu d'ordre dans leurs souvenirs. Qu'avaient-ils fait le vendredi et le samedi et le dimanche? Mais tout s'embrouillait et se confondait dans leur esprit, les jours et les nuits et les jours. Ce qu'ils avaient fait, c'était toujours, toujours la même chose, et cette même chose n'avait cependant été jamais, jamais la même chose. Ils s'étaient aimés, aimés, aimés, et tout entier à cette très sage occupation, ils avaient complètement oublié que, tout près de l'Anélis, dans un vieil hôtel de Châtellerault, il y avait une chère vieille tante Louise qui attendait leur première visite de noces, visite qui lui était bien due, car il y avait tous les droits du monde, par ses 80 ans, par sa bonté et par un merveilleux collier de perles offert à Marceline. Il fallut donc se résigner, sortir du rêve, rentrer dans la réalité, et ce fut pendant cette visite que, devant la vieille tante, fort amusée de la querelle, cette grande discussion avait brusquement éclaté entre les jeunes mariés. Tante Louise accepta l'arbitrage et, prenant la direction des débats, fit asseoir les plaideurs devant elle sur deux fauteuils à distance respectueuse. Marceline, avant d'être assise, s'était emparée déjà de la parole. Tout le monde était d'accord sur ce point, vous le savez, tante Louise. Maman a dû bien souvent vous le dire dans ses lettres. Tout le monde était d'accord sur ce point, qu'il n'y avait en somme pour moi que deux parties sortables, monsieur le duc de Lannilis, ici présent, et monsieur le duc de Courtalin. J'avais, moi, la faiblesse de le préférer lui, lui qui est là. Pourquoi? Je ne saurais trop le dire. Par habitude d'enfance, sans doute. Nous avions joué ensemble, quand nous n'étions pas plus haut que ça, au petit mari et à la petite femme. J'étais, moi, resté fidèle à ses innocentes amours, tandis que lui... Tandis que moi? Cela viendra tout à l'heure, monsieur, et vous ne perdrez rien pour attendre. Toujours est-il qu'il y avait toutes sortes de bonnes raisons pour préférer l'autre, qui était de plus grande fortune et de plus grande noblesse. Oh, quant à cela, l'argent soit, mais la naissance. C'est indiscutable. Vous êtes tous deux ducs par brevet. Nous, de 1663. Et les Courtalins? De 1666 seulement. D'accord. « Eh bien, oh, attendez, je suis ferré sur la question. Maman l'a étudié de près, quand tout annonçait, il y a 3 mois, que je serais duchesse de Courtalin. Elle est allée un matin aux archives, maman avec un vieil ami à elle, un grand historien, qui est de l'Institut. Vous de 1663, les Courtalins de 1666, c'est parfaitement exact. » Mais Louis XIV, en 1672, par un acte formel, a donné la préséance aux Courtalins, et vous n'avez pas, j'imagine, la pensée de contester ce que Louis XIV a cru devoir faire. Dites, tante Louise, le peut-il? Évidemment, non. Cependant, Saint-Simon... Oh, laissons Saint-Simon. La passion est l'inexactitude même. Je sais qu'il est pour vous, mais cela ne compte pas. Je veux bien, pour vous être agréable, reconnaître que vous êtes de meilleure mine et de plus haute tournure que monsieur de Courtalin. Mais, oh mon cher, je commence à vous connaître. Vous mourrez d'envie que je vous le dise. Eh bien oui, vous êtes assez joli homme. Mais ce n'est là qu'un bien périssable avantage, et vous avez trop le sentiment des convenances pour vouloir le mettre en parallèle avec une ordonnance de Louis XIV. Et cependant, je vous aimais, moi. Je vous aimais fidèlement, tendrement, follement, stupidement. Oui? Stupidement, car lorsque j'avais débuté dans le monde l'année précédente, en avril 1889, au bal de chez Madame de Fresnes, lorsque j'avais laissé voir pour la première fois mes petites épaules encore maigrelettes, je venais d'avoir 17 ans, j'avais remarqué que les jeunes gens en quête de mariage, ils sont tous, dans notre monde, cotés, notés, étiquetés, s'écartent de moi avec une déférence étrangement respectueuse. Je paraissais n'avoir aucune importance, aucun intérêt, malgré mon nom, ma dot et mes yeux. C'est que je m'étais brûlé moi-même. J'avais si ridiculement affiché ma passion pour vous que je ne m'appartenais plus. J'étais considéré comme une chose à vous. Dès que j'avais mis cette première robe longue, qui donne immédiatement le droit de penser au mariage et de parler d'amour, j'avais répété à toutes mes petites amies que je n'aimais et n'aimerais jamais et n'épouserais jamais que vous. Vous ou le couvent? Oui, j'en étais là. Mes petites amies l'avaient répété à leurs frères et à leurs cousins qui vous l'avaient répété, c'est bien ce que je voulais. mais cela me mettait hors concours. Osez dire, monsieur, que tout cela n'est pas vrai, rigoureusement vrai. Je ne dis rien. Parce que vous êtes terrassé, écrasé par l'évidence. Vous ne dites rien maintenant. Mais que disiez-vous l'année dernière? L'année dernière! Quand je songe que nous pourrions être mariés depuis l'année dernière, une année, toute une année perdue, et qui a été si longue, et qui aurait été si courte, enfin. Il était là, à ce bal, chez les deux frênes. Il daigna me faire l'honneur de danser trois fois avec moi. Je rentrai à la maison ivre, absolument ivre de joie. Mais il ne dura pas longtemps ce grand bonheur, car voici ce que Gontran, le lendemain, racontait à son ami Robert d'Aigremont, qui le disait à sa sœur Gabrielle, qui me le redisait. Il voyait bien qu'on voulait lui faire épouser sa cousine Marceline. Je m'étais, la veille, littéralement jeté dans ses bras. Il avait dû, par pure bonté d'âme, montrer quelque pitié pour cet amour de petite pensionnaire. Il s'était résigné à me faire danser. Mais c'était fini, bien fini. On ne l'y reprendrait plus. Il se garerait soigneusement à l'avenir des bals de petites filles. C'était là des fêtes trop périlleuses. Le mariage ne le tentait aucunement. Il n'en avait pas encore assez de la vie de garçon. D'ailleurs, il ne connaissait rien de plus ridicule que ces mariages entre cousins et cousines. Le vrai plaisir du mariage, disait-il, ce doit être de mettre dans sa vie quelque chose de nouveau, d'inattendu, et de tutoyer tout d'un coup le mardi matin une personne qu'on ne tutoyait pas le lundi soir. Mais une personne qu'on tutoie déjà, où serait le plaisir? Il a fait un mouvement, tante Louise, avez-vous vu? J'ai vu. C'est qu'il reconnaît la phrase. C'est vrai, je m'en souviens. Ah, tu n'as pas seulement dit cette phrase-là, tu as dit toutes les autres, mais ce n'est rien encore, tante Louise. Savez-vous quelle était, contre un mariage avec moi, sa principale objection? Savez-vous ce qu'il a dit à Robert? Qu'il m'avait vu décolleter la veille pour la première fois et que j'étais trop maigre, trop maigre. Ah, ce fut là pour moi le coup le plus cruel, car c'était vrai, j'étais maigre. Le soir, après que Gabriel m'eût redit cette affreuse chose, le soir, en me déshabillant, je regardais mes pauvres petites épaules avec leurs pauvres petites salières et j'eus un horrible accès de douleur. Une crise de larmes qui n'en finissait pas. Un torrent, un véritable torrent. Et voilà maman qui arrive. J'étais seul, dévêtu, devant ma glace, en pleurs, les cheveux épars, étudiant mes épaules, constatant leur misère. La vraie image du désespoir. Maman me prend dans ses bras. « Mon ange, mon pauvre ange, qu'y a-t-il ? » Je ne répondais que par des sanglots. « Mon enfant, je veux tout savoir. » Elle était au comble de l'inquiétude, maman. Moi, je ne pouvais pas parler. Les larmes étranglaient, me coupaient la voix. « Mon trésor, tu veux me faire mourir ?» Alors, pour assurer maman, je réussis à dire, au milieu de mes sanglots, « C'est que je suis trop maigre, maman. Gontran, hier soir, m'a trouvé trop maigre. » Là-dessus, maman est prise d'un fou rire. Mais comme elle fut bonne ce soir-là, après son fou rire, elle m'expliqua qu'elle était à 17 ans bien plus maigre que moi, et elle me promit, de la manière la plus solennelle, que j'engraisserais. Elle disait vrai, maman, j'ai engraissé. Voulez-vous avoir la bonté, monsieur, de déclarer à notre tante que les salières ont absolument disparu, et que vous ne sauriez avoir contre moi, à cet égard, aucun grief légitime? Je le déclare très volontiers, mais tu me permettras d'ajouter... Je ne permettrai rien du tout, je suis lancé. Laisse-moi parler. Mais tu auras bientôt l'occasion de t'expliquer. J'ai l'intention de te faire subir un petit interrogatoire. J'attends alors. Oui, c'est cela. Donc, je faisais, au printemps dernier, ma première campagne de jeune fille. Je ne sais pas, tante Louise, comment les choses se passaient de votre temps, mais je sais qu'aujourd'hui, dans notre monde, la condition des jeunes filles est d'une extrême rigueur. On nous tient close, sévèrement close, jusqu'à 18 ans. Car maman a été excellente en consentant à me produire quand je n'avais que 17 ans. Mais maman, c'est la bonté même, et puis, pas pour 2 liards de coquetterie, ça lui était absolument égal d'avouer qu'elle avait une grande fille bonne à marier. Toutes les mères n'en sont pas là, et j'en sais qui se plaisent, pour gagner une année, à retarder l'exhibition publique et officielle de leurs pauvres enfants. En même temps qu'on fait courir à Longchamp et à Chantilly les grandes pouliches de l'année, on tire de leur box les grandes héritières de l'année mûre pour le mariage, et dans une série de bals blancs spécialement consacrés à cet usage, entre le dimanche de Pâques et le grand prix de 100 000 francs, on leur fait prendre de petits galops d'essai sous l'œil des amateurs et des connaisseurs. Il faut opérer rapidement et trouver preneur avant le grand prix, car ensuite tout est fini. On les remballe, les jeunes filles, on les rend à leur gouvernante, à leur maître de danse, à leur professeur de littérature. La campagne est finie. En voilà pour une année. On ne les verra plus, les pauvres petites, qu'après le carême. Maman me conduisit donc, l'année dernière, dans une douzaine de grandes fêtes qui furent pour moi mornes et languissantes. Il n'était pas là. Il ne voulait pas se marier. Il le cria tout venant, insolemment, cyniquement. Il ne se marierait jamais, jamais, jamais. Il me le disait à moi-même. Par ordre de ta mère. Oui, cela est vrai. J'ai su depuis que c'était à la prière de maman qu'il parlait ainsi. Elle espérait que cela m'empêcherait de m'entêter dans la toccade que j'avais pour lui. Toccade ? S'écria tante Louise. Pardonnez, tante Louise, c'est un mot d'aujourd'hui. Et qui veut dire ? Qui veut dire une sorte de petit amour inexplicable, absurde, extravagant, qui vient sans qu'il soit possible de savoir pourquoi. Enfin, tante Louise, absolument l'amour que j'ai pour lui. Bien obligé, mais tu ne dis pas tout. Tu ne dis pas que ta mère était pour le mariage Courtalin. Oui, certes. Et elle avait bien raison, maman. Monsieur de Courtalin a 1000 qualités sérieuses que vous n'avez pas, que vous n'aurez jamais. Et puis il avait un grand mérite aux yeux de maman, monsieur de Courtalin. Il ne me trouvait pas trop maigre, lui, et il me demandait en mariage. Un jour, vers 4 heures, c'était le 2 juin de l'année dernière, maman entre dans ma chambre avec un visage que je ne lui connaissais pas. « Mon enfant, » me dit-elle, « mon enfant. » Elle n'eut pas besoin d'achever, j'avais compris. Monsieur de Courtalin avait tourné l'avant-veille toute la soirée autour de moi chez la princesse de Véran et sa mère, le lendemain, était venu déclarer à maman que son fils ne connaissait rien de plus délicieux que mon visage. Je répondis que je ne connaissais rien de moins délicieux que le visage de monsieur de Courtalin. J'ajoutai que je n'avais d'ailleurs nul empressement pour le mariage. Maman essaya de me faire entendre raison. J'allais laisser échapper une occasion admirable. Le duc de Courtalin était le point de mire de toutes les ambitions maternelles. Grand nom, grande situation, grande fortune. Je regretterais cruellement un jour d'avoir montré pareil dédain pour de tels avantages, etc., etc. Et moi, à toutes ces choses si justes, si sensées, je ne trouvais qu'un mot à opposer. Son nom à lui, Gontran, Gontran, Gontran, ou le couvent. Et le plus rigoureux de tous, le Carmel. Dans la bure, sur la dure. Oh, tante Louise, de grâce, regardez-le, il écoute tout cela avec un petit air d'insoutenable fatuité. Tu m'as défendu de parler. C'est vrai, ne parle pas. Mais tu n'as pas volé une petite leçon de modestie et d'humilité. Tu crois peut-être, Dieu me pardonne, que c'est à cause de ton mérite que je t'ai choisi, voulu. Tu serais loin du compte, mon pauvre ami. C'est tout au contraire à cause de ton absence de mérite. Monsieur de Courtalin, à la bonne heure, voilà un homme de mérite. J'avais, du matin au soir, les oreilles rebattues du mérite de monsieur de Courtalin, et c'est pour cela que je l'avais pris en haine. Ce que je redoutais par-dessus tout, c'était cette espèce de mari qui s'appelle un homme supérieur. Et maman s'y prenait bien mal pour me gagner à son candidat, quand elle me disait « C'est un homme très instruit, très sérieux, très laborieux, très distingué. » Il a eu une jeunesse admirable. Il a été le modèle des fils. Il sera le modèle des maris. Cela me faisait frissonner d'entendre maman parler ainsi. Je ne connais rien de plus affreux que ces gens qui ont toujours, toujours raison, qui font preuve en toutes circonstances d'un imperturbable bon sens, qui nous écrasent de leur supériorité. Avec Gontran, je suis tranquille, bien tranquille. Ce n'est pas lui qui m'écrasera de sa supériorité. Je ne sais pas grand-chose, tante Louise, mais mon ignorance à côté de la sienne, c'est de l'érudition. Il a eu un mal à passer son baccalauréat. Il a été recalé 3 fois. Recalé ? S'écria tante Louise. Ça veut dire refuser. C'est un mot qu'il m'a appris. Tous les vilains mots que je te dirai, tante Louise, c'est lui qui me les a appris. Par exemple ? Oui, tous. Je le vois encore arriver un jour à la maison et je l'entends me dire « encore recalé ». C'était la troisième fois. Alors il est allé passer son examen en province, dans une petite faculté à Douai. C'était plus facile et il a enfin été reçu. Monsieur de Courtalin, lui, n'a jamais été recalé. Il est tout ce que l'on peut être à son âge, bachelier, avocat, docteur en droit, et grave, et correct, et sévère dans son langage, dans sa tenue, toujours en redingote noire, à deux rangs de boutons, toujours tous boutonnés, bref, un homme d'autrefois. Et quel avenir devant lui ? Déjà membre de son conseil général et très écouté, très éloquent, il sera député dans 3 ans, et ensuite, quand nous aurons un gouvernement que les gens de notre monde pourront reconnaître, ministre, ambassadeur, que sais-je. Les plus hauts emplois l'attendent, et toutes ses ambitions seront légitimes lorsqu'il lui sera permis de mettre au service de la monarchie des talents d'un ordre absolument supérieur. C'est une phrase de maman. Tandis que toi, mon pauvre Gontran, tu ne seras jamais rien autre chose qu'un très drôle et très gentil petit bonhomme que je mènerai à ma fantaisie par le petit bout de son petit nez. Oh, oh. Tu verras ça, tu le vois d'ailleurs, depuis 8 jours. Les 8 premiers jours ne comptent pas. Cela continuera, sois-en bien sûr. Je t'aime d'ailleurs, je t'aime et... Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'es pas d'autrefois, toi. Tu es d'aujourd'hui, tu es moderne, bien moderne. Regardez-le, tante Louise. Est-il assez gentil, assez réussi, assez moderne, enfin, je le répète, dans son petit costume gris-perle? Il s'occupe passionnément de sa toilette. Il délibère pendant des heures et des heures avec son tailleur. Ce qui m'enchante car j'ai l'intention, moi, de délibérer pendant des heures et des heures avec ma couturière. Et il paiera les notes sans broncher, car il sera charmé de me voir très élégante et très admirée. Oh, nous ferons à nous deux le petit ménage le plus brillant et le plus tapageur. Il est moderne, je serai moderne, nous serons modernes. Après 3, 4 ou 5 semaines, nous ne savons pas encore au juste. Consacrés à l'amour pur, nous nous envolerons vers les pays où l'on s'amuse. Et alors, on parlera de nous, tante Louise, on parlera de nous. Et maintenant, où en étais-je de mon récit? Par exemple, je ne sais plus du tout. Ni moi. Ah, m'y voici. Madame de Courtalin était venue demander ma main pour son respectable fils, et quand maman m'avait parlé de cela, je m'étais écrié « plutôt le couvent ». Je ne sais pas trop ce que maman répondit à madame de Courtalin. Toujours est-il qu'on me laissa tranquille, pour le moment. On court le Grand Prix, et ensuite dispersion générale. Nous allons passer 1 mois à Aix-les-Bains pour les douleurs de papa, puis 15 jours ici, chez vous, tante Louise, et là, vous vous en souvenez. Vous avez reçu les confessions de mon pauvre cœur déchiré. Ah, je dois le dire, il n'y a que vous de jeunes dans la famille. Il n'y avait que vous qui ne me montriez pas grise mine quand je parlais de mon amour pour ce malfaiteur. Maman, cependant, vous avez fait la leçon, et vous vantiez les avantages de la combinaison Courtalin, mais sans conviction, tante Louise, sans conviction. Je sentais bien que vous étiez au fond avec moi, contre maman, et cela s'expliquait si bien. Maman ne pouvait pas me comprendre, tandis que vous. On croit que nous ne savons rien, nous autres petites filles, et nous savons tout. Je savais que maman avait fait un mariage de convenance, un mariage de raison qui avait d'ailleurs admirablement tourné. Et vous, tante Louise, vous avez fait un mariage d'amour. Vous avez dû batailler pour avoir le mari que vous vouliez, et vous l'avez eu, et vous avez résolument conquis votre bonheur. Oui, je savais tout cela. J'osais même faire allusion à ces choses d'autrefois. Et ces souvenirs du passé mettaient à la fois un sourire sur vos lèvres et des larmes dans vos yeux. Et encore aujourd'hui, tante Louise, le voilà le sourire, et les voilà les larmes. Câlinement, Marceline, s'interrompant de son discours, se jeta au cou de sa tante Louise et l'embrassa de tout son cœur. Elle effaça les larmes avec ses baisers. Il ne resta plus que le sourire. Oui, tante Louise se rappelait qu'elle avait eu bien de la peine à se faire donner pour mari certain bel officier de la garde royale, qui était là, assistant à cette scène, dans un vieux cadre dédoré, debout, casque en tête, s'appuyant dans une attitude martiale sur la garde de son grand sabre de cavalerie. Lui aussi avait été moderne, ce vainqueur du Trocadéro, quand il entrait à Madrid en 1822 dans l'état-major du duc d'Angoulême. Et elle aussi, la vieille tante Louise, était moderne et très moderne, le jour où, à une fenêtre du palais des Tuileries, pendant une parade militaire, elle avait murmuré cette phrase à l'oreille de sa mère « Maman, voilà celui que j'aime !»« Ah, que nous sommes lâches !» s'écria Marceline, changeant de ton brusquement. « Oui, que nous sommes lâches de les aimer ainsi, ces affreux hommes qui savent si peu nous aimer. Je dis cela pour toi, Gontran. Que faisait-il, pendant que je vous disais mes tristesses, tante Louise ? Le tour du monde, bien tranquillement. Mais qu'il parle maintenant, qu'il parle. Aussi bien je n'en peux plus. De ma vie, je n'ai prononcé un aussi long discours. Dites, monsieur, pourquoi faisiez-vous le tour du monde ? Parce que ta mère, un matin, la veille du départ pour Aix-les-Bains, avait eu avec moi une longue, très longue conversation. Et elle t'avait dit ? Elle m'avait dit « Finissons-en. Épouse-la ou va-t'en ? Et qu'elle n'entende plus parler de toi jusqu'à son mariage. » Et comme j'étais, depuis quelque temps, tourmenté de cette idée d'aller faire un petit tour au Japon, je suis parti pour le Japon. « Il est parti pour le Japon. Cela va tout seul. Vous l'entendez, tante Louise ? Il avoue que l'année dernière, à pareille époque, il aimait mieux s'expatrier que m'épouser. » Le voilà donc en Amérique, en Chine, au Japon. Cela dura 10 mois. De temps en temps, humblement, timidement, je demandais de ses nouvelles. Il se portait bien. Sa dernière lettre était de Shanghai ou de Sydney ou de Java. Pour moi, pas un mot, pas un souvenir, rien, rien, rien. Je l'avais juré à ta mère. Un jour, à Yokohama, j'avais acheté pour toi un tas de ravissantes petites choses. La caisse était faite et ton nom sur la caisse, quand je me suis rappelé mon serment. J'ai expédié toutes ces japonaiseries à ta mère, pensant bien que tu aurais ta part de la pacotille. Je n'ai rien eu du tout. L'arrivée de la caisse a été tenue secrète. Il aurait fallu prononcer ton nom devant moi, et c'est ce que maman ne voulait pas. En revanche, il était un nom qui voltigeait sans cesse sur ses lèvres. Courtalin, Courtalin, encore Courtalin, toujours Courtalin. Il avait tous les mérites, toutes les vertus. Puis il venait de perdre sa tante de Bretagne. Il en avait hérité. On croyait qu'il n'aurait que le quart de la succession. Il en avait eu les 3/4. C'était un château de plus, et tout autour de ce château, un admirable domaine, 1600 ou 1700 hectares. Je le dis à ma honte, tante Louise, à ma très grande honte, des sentiments de défaillance entrèrent en mon âme. Et puis je serais d'une franchise absolue. Il ne me déplaisait pas d'être duchesse. Or, maman avait dressé une liste de tous les maris possibles pour moi, et pas d'autre duc sur la liste que monsieur de Courtalin. Il y avait bien le petit comte de Limiers qui sera duc un jour, mais quand ? Son père a 45 ans, une taille d'athlète et une santé de fer. J'étais donc obligé d'en convenir quand nous causions de tout cela le soir avec maman. Pour être duchesse, il fallait en venir à monsieur de Courtalin. Maman, du reste, était d'une parfaite habileté et d'une exquise douceur. Elle ne me pressait pas, ne me brusquait pas, ne me tourmentait pas. Elle attendait. Seulement, je savais qu'elle avait dit à madame de Nelly « Cela sera fait, ma chère, avant le 20 juin. Il le faut. » Papa était obligé de retourner à Aix pour ses douleurs. Le 20 juin était la date fixée pour son départ. Moi, je ne disais plus « Non, non, non !» avec la farouche énergie de l'année précédente. Vous le voyez, Gontran, je vous ouvre mon âme. Vous aurez tout à l'heure, je l'espère, le même courage et la même sincérité. Vous pouvez y compter. J'attendais cependant, j'attendais son retour. Je voulais avoir avec lui une conversation sérieuse. Il est bien vrai que je me sentais mourir de peur à la seule pensée de cette explication, mais je n'en étais pas moins résolu à parler, et je parlerais. Il me paraissait impossible qu'il n'eût pas pensé quelquefois à moi, là-bas, en Chine et en Cochinchine. Nous nous étions toujours aimés, jusqu'au malheureux jour où j'étais devenu épousable, d'une si tendre et si fidèle affection. Je savais qu'il devait arriver à Paris dans la nuit du 2 au 3 avril. Très certainement, le lendemain, il viendrait nous voir. Et en effet, vers 2 heures, il arriva. Maman n'avait pas achevé de s'habiller. J'étais seul, je courus à lui. Ah, que je suis heureuse de te revoir! Et je l'embrasse avec emportement. Lui, alors, très ému, oui, très ému, m'embrasse et commence à me dire de si bonnes, de si gentilles paroles que je sentais mon cœur se fondre. Ah, si maman n'était pas arrivée! 5 minutes. Je n'aurais demandé que 5 minutes. Et comme elle eut vite tourné à l'amour notre petite explication. Oui, cela est vrai. Il était si sincère, cet élan qui t'avait jeté dans mes bras. Ah, bien certainement, c'est ce jour-là, à cette minute-là, que j'ai commencé à t'aimer. Et puis je te regardais. Tu n'étais plus la même. Il y avait un si grand, un si heureux changement. Il n'ose pas le dire, le mot, tante Louise. Je le dirai, moi. J'avais engraissé. Ah, quand je pense que je serais duchesse de Courtelin si j'étais restée maigre. Ces hommes, quel misérable. Maman arrive donc, puis papa, puis mon frère Georges. Pas d'explication possible. Les voilà tous embarqués dans une odieuse conversation sur les mérites comparés des bateaux anglais et des bateaux français. On va plus vite sur les anglais, on mange mieux sur les français, etc., etc. C'était exquis. Au bout d'une heure, Gontran s'en alla, non sans m'avoir donné une très tendre, très éloquente poignée de main. Je ne pouvais rien souhaiter de plus parlant que cette poignée de main. Mais maman, qui nous regardait avec une extrême attention, s'était bien aperçue que nos deux mains, après avoir trouvé le moyen de se dire de très aimables choses, avaient une peine infinie à se détacher l'une de l'autre. Je m'attendais bien à le revoir le lendemain. « Es-tu venu le lendemain ?»« Non. »« Et le surlendemain ?»« Pas davantage. » Enfin, 3 jours après, maman me conduit aux courses au bois de Boulogne. Nous arrivons et là, tout de suite, à 2 pas devant moi, c'est lui que je vois. Mais non, ce n'est pas lui. À bord glacial, bonjour glacial, poignée de main glaciale, parole glaciale, et fort peu de paroles, quelques phrases à peine, gauche, embarrassée. Il se perd dans la foule et c'est tout. Il ne reparaît plus. J'étais confondu, atterré, anéanti. Mais c'était ta mère qui... Oui, je sais bien, je sais maintenant. Mais je ne savais pas ce jour-là. Oui, c'était maman. Oh, faut-il que je l'aime, maman, pour avoir pu lui pardonner cela. Elle était venue chez moi, de grand matin, le lendemain de la très éloquente poignée de main, et là, en larmes, oui, littéralement en larmes, elle sanglotait. Elle avait fait appel à tous mes sentiments de délicatesse, d'honneur, de probité. Vous avez eu tous deux, me dit-elle, hier, en vous revoyant, après une longue absence, une petite crise d'émotion. C'est fort bien, mais il faut rester là, et ne pas prolonger ces enfantillages. Et comme j'allais me récrier, « Oui, oui, enfantillage. Songez-y bien. Le bonheur de Marceline est en jeu. Tu n'as pas le droit de le compromettre. Tu arrives de Chine tout d'un coup et ton brusque retour ferait manquer les combinaisons les plus sensées, les mieux étudiées. Monsieur de Courtelin a 34 ans. C'est un homme de la plus haute raison et de la plus parfaite sagesse. Enfin, je sais bien que ce n'est là qu'une considération secondaire, mais cependant, l'amour passe et l'argent reste. » Eh bien, monsieur de Courtelin est plus riche, beaucoup plus riche que toi. Marceline aura avec lui tout à fait une grande situation. Tandis que toi, tu sais comme je t'aime, et je sais comme tu mérites d'être aimé. Tu es charmant, charmant, charmant. C'est ta mère qui parle. Je sais, je sais. Oui, charmant. Mais quand j'aurai dit cela, j'aurai tout dit. Je te pose donc cette question et j'attends de toi une réponse loyale. As-tu bien ces qualités solides qui seules peuvent faire un mari, un vrai mari? Marceline est un peu légère, un peu frivole, un peu coquette. C'est toujours ta mère qui parle. Je sais, je sais. Je fus troublé, tante Louise. Il me semblait bien que ce langage n'était pas absolument dénué de raison. Je n'avais pas très haute idée de moi comme mari, et maintenant encore je me demande. Ne te demande rien. Sois un mari qui m'aime, et tu auras toutes les vertus. Rien de plus simple, comme tu vois. Tu peux continuer. Eh bien, elle fut si adroitement persuasive, ta mère, que je te fis le surlendemain aux courses ce froid accueil. Et moi, alors, ce même jour, en rentrant à la maison, je me jetai dans les bras de maman en m'écriant « Oui, je veux bien épouser monsieur de Courtelin. » Ah, que de fois je me suis jeté dans les bras de maman, entre ce jour-là et le 16 mai. Je ne faisais plus que cela. Elle s'y était habituée, maman, et ne pouvait plus me voir paraître sans m'ouvrir les bras, machinalement. Je m'y précipitais en disant, tantôt, « Oui, je veux bien », et tantôt, « Non, je ne veux pas ». Mais les « je ne veux pas » devenaient de plus en plus rares. Monsieur de Courtelin, d'ailleurs, était admirable. Un modèle de tact, de douceur, de résignation. Il attendait, toujours dans sa redingote noire, toujours boutonnée, avec une inépuisable patience. Maman s'était en somme tout à fait engagée avec Madame de Courtalin. Je sentais le cercle se resserrer autour de moi. Les journaux annonçaient à mots couverts mais transparents qu'il était question d'une alliance entre deux familles du faubourg Saint-Germain. Et l'on donnait assez clairement à entendre de quelles deux grandes familles il s'agissait. Je recevais déjà de vagues félicitations et je n'osais y répondre que par de vagues dénégations. Le matin de ce fameux 17 mai, maman m'avait dit « Voyons, mon enfant, ne mets pas plus longtemps en martyr ce pauvre garçon. Puisque ça doit être oui, car ce sera oui, tu le reconnais, dis oui tout de suite. » Je n'avais obtenu qu'un misérable répit de 24 heures et les choses en étaient là, lorsque, toujours le 17 mai, nous arrivâmes, maman et moi, un peu tard, après 11 heures, chez Madame de Vergneux qui donnait un bal, un très grand bal. J'entre et j'ai tout de suite le sentiment que je devais être ce soir-là extrêmement bien. Une petite haie se forme sur mon passage et c'était des petits « oh » de surprise et des grands « ah » d'admiration qui m'allaient droit à l'âme. J'avais eu déjà dans le monde certains succès, mais d'aussi marqués que celui-là, jamais. Monsieur de Courtalin vient à moi. Il voulait m'inviter pour toutes les valses, pour tous les quadrilles, pour toute la soirée, pour toute la nuit, pour toute la vie. Je lui réponds « plus tard, tout à l'heure, nous verrons. Je me sens un peu fatigué. » Le fait est que je n'avais guère le cœur à la danse. Nous allons nous asseoir, maman et moi. Une valse commençait. Maman me grondait doucement. « Danse avec lui, mon enfant, je t'en prie. » Je ne l'écoutais pas. Je faisais du regard, distraitement, le tour du salon et j'aperçois, tout d'un coup, dans un coin, deux yeux fixés, plantés, braqués sur moi, deux yeux que je connaissais bien, mais que j'avais quelque peine à reconnaître, car ils étaient démesurément grandis par une sorte de stupeur. Dit par une admiration foudroyante. « Comme tu voudras. » « Mais c'est ici, tante Louise, que va commencer mon petit interrogatoire. Pourquoi et comment étiez-vous là? Où aviez-vous dîné, Gontran? Au club. Et que comptiez-vous faire après le dîner? Venir chez Madame de Vergneux? Non, nous avions, Robert d'Aigremont et moi, le projet d'aller au Bouffe Parisien. Vous n'y êtes pas allé, pourquoi? Nous avons fait téléphoner du club pour avoir une loge. Tout était loué. Alors vous avez dit à Robert... J'ai dit à Robert, faisons un bésigue. Et j'étais pincé par une de ces dévaines noires. 34 000 points en une dizaine de parties. Si bien que vers 10h30, j'ai considéré que le bésigue avait duré assez longtemps. Et alors? Et alors? Alors Robert a voulu vous emmener chez Madame de Vergneux. Et vous ne vouliez pas? Si vous n'étiez pas venu cependant... Et s'il y avait une loge au Bouffe Parisien, ou si vous avez gagné au bésigue, mon mariage avec M. de Courtalin était le lendemain officiellement annoncé. Oui, mais je suis venu, et me voilà dans mon coin, te regardant. Je n'y comprenais rien. C'était toi, et ce n'était plus toi. Moi, tout de suite, en voyant de quelle façon tu me regardais, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Tes yeux brillaient, brûlaient, flambaient. C'est que je découvrais que tu étais tout simplement la plus jolie femme de ce bal où il y avait les plus jolies femmes de Paris. Oui, la plus jolie. Et des épaules. À point. Enfin, j'étais à point. La tête aussitôt m'a tourné. J'aperçus Courtalin qui manœuvrait, cherchant à se rapprocher de toi. J'ai compris qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Pour devancer Courtalin, je me suis intrépidement lancé au milieu du salon, à travers les valseurs et les valseuses, bousculant, bousculé. J'ai accroché au passage et mis en lambeaux un des volants de dentelle de Madame de Lornan. Elle ne me l'a pas encore pardonné. Mais j'arrive avant Courtalin et je me jette sur toi et je te prends par la taille. J'entends encore ton petit cri et je t'entraîne. Maman eut à peine le temps de s'écrier « Marceline, Marceline !» Je n'étais déjà plus là. Il m'avait enlevé, emporté. Et nous valsions follement, furieusement. Oh, quel tour de valse! Et il me disait « Je t'aime, je t'adore. Tu es la grâce et la beauté même. Il n'y a ici qu'une jolie femme, toi. Et c'est moi qui serai ton mari, moi. Entends-tu bien? Moi, pas un autre. » Et moi, toute suffoquée de surprise, de plaisir et d'émotion, je me laissais presque porter par lui, mais je le suppliais de parler moins haut. « Tout ce que tu voudras. Oui, je serai ta femme, mais prends garde, on va t'entendre. » C'est bien ce que je voulais, et je recommençais. « Je t'aime, je t'adore. » Moi, alors, absolument haletante. « Moins vite, je t'en prie, moins vite, je vais tomber, je t'assure, tout tourne, arrêtons-nous. » « Non, non, ne nous arrêtons pas. Allons toujours. Si nous nous arrêtons, ta mère viendra nous séparer. Et j'ai encore tant de choses à te dire, tant de choses. Jure-moi que tu seras ma femme. »« Oui, je te le jure. Mais assez, assez. » J'étouffais. Lui n'entendait rien. Il allait comme un fou. Nous étions passés tous les deux à l'état de trombe, de tourbillon, de cyclone. Nous jetions autour de nous la stupeur, l'épouvante. On ne dansait plus, on nous regardait. Il me tenait si étroitement enlacé, et son visage était si près de mon visage, ses lèvres si près de mes lèvres, que me sentant tout à coup défaillir, je glissais et me laissais aller dans ses bras. Un nuage passa devant mes yeux. Plus de paroles, plus de regards, plus de pensées, plus rien. Tout avait disparu pour moi dans un vertige, pas trop désagréable, je dois le dire. J'étais évanoui, absolument évanoui. Le lendemain, notre mariage était décidé, parfaitement décidé. Notre tour de valse avait fait scandale. C'était bien sûr quoi je comptais. La voilà, tante Louise, l'histoire de notre mariage. Et je n'en veux aujourd'hui tirer que cette conclusion, c'est que j'ai la première, commencé à l'aimer et que j'aurai par conséquent un jour, quand il me plaira, le droit de m'arrêter la première. Ah non, par exemple, dites-lui, tante Louise, qu'elle n'aura jamais ce droit-là. Un nouveau débat menaçait d'éclater. Voici, mes enfants, dit la vieille tante, tout ce que j'ai à vous dire. Elle est en effet partie la première pour aimer, mais il me semble, Gontran, que tu as marché tout d'un coup d'un si grand train que tu as dû la rattraper. La dépasser, tante Louise. Oh que non, s'écria Marceline. Oh que si. Oh que non. Eh bien, continua tante Louise, tâchez de n'avoir jamais d'autre querelle que celle-là. Tâchez de marcher toujours dans la vie du même pas, côte à côte, cœur à cœur. On a fait bien des inventions depuis que je suis sur la terre, et le monde ne ressemble plus guère à ce qu'il était le jour de ma naissance. Mais il y a une chose à laquelle toutes les inventions n'ont changé et ne changeront jamais rien. Cette chose, vous l'avez, gardez-la. C'est l'amour. Aimez-vous, mes enfants, le plus fort et le plus longtemps possible. Et tante Louise eut encore une larme et encore un sourire en regardant le portrait de l'officier de la garde royale. Ainsi s'achève un tour de valse de Ludovic à Lévis.